L'évasion impossible par Alfred de Vigny. Depuis plusieurs années, un officier de Napoléon Ier est prisonnier sur parole à bord du vaisseau anglais L'Océan. Un jour, le vaisseau L'Océan qui nous portait vint relâcher à Gibraltar. Je descendis à terre avec l'amiral et en me promenant seul par la ville, je rencontrai un officier du 7e hussard qui avait été fait prisonnier dans la campagne d'Espagne et conduit à Gibraltar avec 4 de ses camarades. Ils avaient la ville pour prison, mais ils y étaient surveillés de près. J'avais connu cet officier en France. Nous nous retrouvâmes avec plaisir, dans une situation à peu près semblable. Il y avait si longtemps qu'un Français ne m'avait parlé français, que je le trouvais éloquent, quoiqu'il fût parfaitement sot, et au bout d'un quart d'heure, nous nous aurîmes l'un à l'autre sur notre position. Il me dit tout de suite franchement qu'il allait se sauver avec ses camarades, qu'il avait trouvé une occasion excellente et qu'il ne se le ferait pas dire deux fois pour les suivre. Il m'engagea fort à en faire autant. Je lui répondis qu'il était bien heureux d'être gardé, mais que moi, qui ne l'étais pas, je ne pouvais pas me sauver sans déshonneur et que lui, ses compagnons et moi n'étions point dans le même cas. Cela lui parut trop subtil. « Ma foi, je ne suis pas casuiste, » me dit-il. « Et si tu veux, je t'enverrai un évêque qui t'en dira son opinion. Mais à ta place, je partirai. Je ne vois que deux choses, être libre ou ne pas l'être. Sais-tu bien que ton avancement est perdu, depuis plus de 5 ans que tu traînes dans ce sabot anglais? Les lieutenants du même temps que toi sont déjà colonels. » Là-dessus, ses compagnons survinrent et m'entraînèrent dans une maison où ils buvaient du vin de Xérès. Et là, ils me citèrent tant de capitaines devenus généraux et de sous-lieutenants vice-rois que la tête m'en tourna, et je leur promis de me trouver le surlendemain à minuit dans le même lieu. Un petit canot devait nous y prendre, loué à d'honnêtes contrebandiers, qui nous conduirait à bord d'un vaisseau français chargé de mener des blessés de notre armée à Toulon. La mention me parut admirable, et mes bons compagnons m'ayant fait boire force rasade, pour calmer les murmures de ma conscience, terminèrent leur discours par un argument victorieux, jurant sur leur tête qu'on pourrait avoir, à la rigueur, quelques égards pour un honnête homme qui vous avait bien traité, mais que tout les confirmait dans la certitude qu'un Anglais n'était pas un homme. Je revins assez pensif à bord de l'Océan, et lorsque j'eus dormi et que je vis clair dans ma position en m'éveillant, je me demandais si mes compatriotes ne s'étaient point moqués de moi. Cependant, le désir de la liberté et une ambition toujours poignante et excitée depuis mon enfance me poussait à l'évasion, malgré la honte que j'éprouvais de fausser mon serment. L'amiral Collingwood me conduisit encore à Gibraltar le lendemain pour mon malheur. Nous y devions passer 8 jours. Le soir de l'évasion arriva. Ma tête bouillonnait et je délibérais toujours. Je me donnais de sérieux motifs et je m'étourdissais sur leur fausseté. Il se livrait en moi un combat violent, mais tandis que mon âme se tordait et se roulait sur elle-même, mon corps, comme s'il eût été arbitre entre l'ambition et l'honneur, suivait à lui tout seul le chemin de la fuite. J'avais fait, sans m'en apercevoir moi-même, un paquet de méhardes, et j'allais me rendre, de la maison de Gibraltar où nous étions, à celle du rendez-vous, lorsque tout à coup je m'arrêtai, et je sentis que cela était impossible. Il y a dans les actions honteuses quelque chose d'empoisonné qui se fait sentir aux lèvres d'un homme de cœur, sitôt qu'il touche les bords du vase de perdition. Il ne peut même pas y goûter sans être prêt à en mourir. Quand je vis ce que j'allais faire, et que j'allais manquer à ma parole, il me prit une telle épouvante que je crus que j'étais devenu fou. Je courus sur le rivage et m'enfuis de la maison fatale comme d'un hôpital de pestiférés, sans oser me retourner pour la regarder. Je me jetai à la nage et j'abordai dans la nuit l'océan, notre vaisseau, ma flottante prison. J'y montai avec emportement, me cramponna à ses câbles. Et quand je fus sur le pont, je saisis le grand mât, je m'y attache avec passion, comme à un asile qui me garantissait du déshonneur, et au même instant, le sentiment de la grandeur de mon sacrifice me déchirant le cœur, je tombai à genoux et appuyant mon front sur les cercles de fer du grand mât, je me mis à fondre en larmes comme un enfant. Le capitaine de l'océan, me voyant dans cet état, me crut ou fit semblant de me croire malade et me fit porter dans ma chambre. Je le suppliai à grands cris de mettre une sentinelle à ma porte pour m'empêcher de sortir. On m'enferma et je respirais, délivré enfin du supplice d'être mon propre geôlier. Le lendemain, au jour, je me vis en pleine mer, et je jouis d'un peu plus de calme en perdant de vue la terre, objet de toute tentation malheureuse dans ma situation. J'y pensais avec plus de résignation lorsque ma petite porte s'ouvrit et le bon amiral entra seul. « Je viens vous dire adieu, » commença-t-il d'un air moins grave que de coutume. « Vous partez pour la France demain matin. »« Oh mon Dieu! Est-ce pour m'éprouver que vous m'annoncez cela, Milord ?»« Ce sera un jeu bien cruel, mon enfant, » reprit-il. « J'ai déjà eu envers vous un assez grand tort. J'aurais dû vous laisser en prison dans le Northumberland, en pleine terre, et vous rendre votre parole. Vous auriez pu conspirer sans remords contre vos gardiens et user d'adresse, sans scrupule, pour vous échapper. Vous avez souffert davantage, ayant plus de liberté. Mais grâce à Dieu, vous avez résisté hier, à une occasion qui vous déshonorait. C'eût été échoué au port. Car depuis 15 jours, je négocie votre échange que l'amiral Rosilly vient de conclure. J'ai tremblé pour vous hier, car je savais le projet de vos camarades. Je les ai laissés s'échapper à cause de vous, dans la crainte qu'en les arrêtant, on ne vous arrêta. Et comment aurions-nous fait pour cacher cela? Vous étiez perdu, mon enfant, et croyez-moi, mal reçu des vieux braves de Napoléon. Ils ont le droit d'être difficiles en honneur. Alfred de Vigny.